Merci d'être à l'écoute de nos programmes. Voici Histoire vivante sur la première. Très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, justice et écran. Tous nos témoins sont soumis à une forte tension. De Nuremberg à plus tard. Ce tribunal fonctionne selon des règles. Le droit et l'image. La plupart des personnes connaissent le droit à travers les films qu'ils voient. Je vous conseille fermement de ne vous rendre dans aucun pays qui reconnaisse la juridiction de la Cour pénale internationale. Nous sommes maintenant citoyens égaux de l'État libre d'Israël. La résolution nous le garantit. Pratiquement tous les pays du monde reconnaissent sa juridiction. Pas les États-Unis. Les garanties sont une chose et les réalités une autre. Les dés sont truqués. Les règles sont faussées. Il y a assez peu de films critiques de la justice pénale à l'international, si on compare avec la littérature. Vous m'envoyez désolé, mais je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de votre avocat. En fin de compte, il va se retirer ici avec la pension que la CIA lui verse. Et il vous enverra, vous et votre putain de tribunal de crimes de guerre, vous faire foutre. Soit on se prête au jeu, soit on prend la porte. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle François Dubuisson, je suis professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Quand j'ai commencé le droit, je ne savais pas exactement en quoi ça consistait. Je crois que c'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'étudiants. Après, pour le droit international, j'étais probablement influencé par mon papa qui était reporter au journal belge Le Soir et qui couvrait le Moyen-Orient, justement. Donc j'ai un peu baigné dans une ambiance à la fois d'intérêt pour l'information internationale qui m'a probablement, évidemment, influencé dans mon choix de me diriger plus spécialement vers le droit international. Et c'est papa qui revenait avec les nouvelles ou c'est vous qui le suiviez parce que la famille n'avait pas le choix? Non, c'est lui qui revenait, donc il était basé à Bruxelles, il partait régulièrement en reportage au Moyen-Orient, mais il revenait toujours à Bruxelles. Donc moi je suis resté à Bruxelles, mais lui il était en tout cas toujours branché sur la radio ou les nouvelles, et j'étais certainement influencé par ça dans mon intérêt pour les questions internationales. François Dubuisson, vous avez co-dirigé avec Olivier Corten cet ouvrage du droit international au cinéma, aux éditions Pédone. On peut avoir un peu la genèse de cette affaire, comment ça démarre, comment ça s'articule, comment ça se construit? Alors il y a probablement une première genèse qui sont deux articles qui ont été écrits par Barbara Delcourt, qui est la femme d'Olivier Corten, donc le co-directeur de cet ouvrage. Et un article que j'avais moi-même rédigé quelques années plus tôt sur la manière dont le terrorisme était représenté au cinéma hollywoodien. Même si les deux articles n'étaient pas spécialement sous l'angle du droit international, forcément par la thématique qui était couverte, ça avait quand même déjà un certain lien avec ces questions-là. Et quand le 50e anniversaire de notre centre de recherche est arrivé, on s'est dit qu'on allait essayer de lancer un projet de recherche un peu original pour culminer avec un colloque, et c'est là qu'est venue l'idée de mettre en application une idée qu'on avait déjà depuis un certain temps, qui était de faire vraiment une analyse scientifique du cinéma sous l'angle du droit international. Alors, auparavant, on intégrait déjà des extraits de films dans le cours que l'on donne aux étudiants, le cours de droit international. On inaugure souvent une séance par un petit extrait de film qui nous permet d'annoncer la thématique et déjà la soumettre un petit peu à discussion sous un angle un petit peu justement ludique. Mais là, on voulait aller plus loin, c'est-à-dire que c'est moins simplement un outil d'illustration que vraiment un objet d'analyse sous un angle particulier qui est celui de se demander comment est représenté le droit international dans ces fictions et surtout qu'est-ce que ça nous dit sur l'image qu'a le droit international dans la société. Mais est-ce qu'à grands traits, François Dubuisson, on arrive à ce constat assez rapidement que le droit international est plutôt un parent pauvre dans le domaine du 7e art, peut-être un peu mieux loti dans les séries, et je dirais presque dans les séries les plus contemporaines, touchant notamment aux questions de politique internationale précisément. Est-ce que le droit international est avant tout considéré comme une éprouvante ou épouvantable barrière à la bonne, immédiate logique de la loi du talion qui permet de raccourcir les questions? Alors le fait que le droit international apparaisse souvent relativement peu dans les fictions peut sans doute s'expliquer de toute une série de manières, à la fois parce que c'est quand même un outil technique, donc pour des raisons simplement d'efficacité scénaristique, on ne va pas trop s'embarrasser de longues explications en droit international. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est probablement également la, quand même la prévalence du cinéma ou du modèle hollywoodien, spécialement dans les films d'action qui, justement, impliquent des questions internationales. C'est souvent dans ce type de films-là qu'on a des guerres entre États qui pourraient amener à des discussions sur le droit international, mais le droit international n'apparaît pas très très explicitement, ou lorsqu'il apparaît, comme vous l'indiquiez, c'est plutôt pour être écarté ou pour être considéré quelque chose d'un petit peu embêtant qui va nuire à l'efficacité de l'action généralement des États-Unis. Mais si on examine certains autres types de fiction, on peut avoir un constat assez contrasté, parce qu'il y a parfois certains films qui sont très largement consacrés au droit international. Encore récemment, par exemple, La femme au tableau. Ah, voilà. Ma tante, Adèle. Mon oncle avait engagé Gustav Klimt pour faire son portrait. C'est une pure merveille. Elle a été décrochée du mur de notre appartement par les nazis. Et depuis, elle est pendue dans le palais du Belvédère à Vienne. Et vous souhaiteriez la récupérer ? Oui, cela me ferait grand plaisir. Et puis ça ferait de vous une femme très riche. Tu crois que c'est ce qui compte pour moi? Et puis bien sûr, ce n'est que justice. Basé sur une histoire vraie qui explique toute la quête judiciaire de l'héritière d'une famille juive qui s'est vue dépossédée d'un tableau de Klimt et qui essaie de le récupérer en Autriche, eh bien là, le droit international est utilisé comme un outil qui va justement permettre de faire justice contre les intérêts des États, là, en l'occurrence l'Autriche, pour lequel c'est un fleuron de son musée. Donc, en réalité, on peut faire une analyse presque film par film, même s'il y a évidemment, comme on le montre dans le livre, des grandes tendances qui se dessinent. Ce qui est assez troublant, François Dubuisson, c'est que le droit accompagne, on peut dire, l'histoire du cinéma depuis sa naissance. Il arrive très tôt, évidemment bien plus dans le cinéma dès lors qu'il est parlant, au contraire du cinéma muet. Mais avec le droit international, ce mariage-là ne va pas de soi. On sent que s'il doit y avoir, ça va être un peu des arrangements plutôt contraints. Comment vous analysez ça? Parce que finalement, le droit, quand il s'agit d'affaires criminelles, reste autant opaque ou jargonneux, pour le dire vite. Oui, mais ça renvoie probablement à une image et aussi une réalité du droit international de manière plus générale, c'est que c'est un droit qui est beaucoup plus embryonnaire que le droit interne des États. C'est-à-dire que c'est un droit, comme on le montre à travers l'ouvrage, qui dépend très fort des rapports de force, qui n'a pas un système organisé qui permet une mise en œuvre quasi automatique à travers une sorte de police internationale ou de juge international automatiquement compétent. Alors qu'effectivement, par contraste, le droit interne apparaît lui comme étant très efficace. Évidemment, on a énormément de films de procès aux États-Unis avec des procès pénaux où là, c'est vraiment un domaine dans lequel le droit apparaît comme étant très efficace. On a un crime, un criminel, et puis on a un système judiciaire qui se met en place. On attrape le criminel ou le supposé criminel, et puis tout l'enjeu est, lors du procès, de vérifier sa culpabilité, son innocence. Alors ça peut être souvent le prétexte à toute une série de thématiques. Mais le droit international, de ce point de vue-là, évidemment, apparaît comme étant moins efficace, moins procéduralisé. On a d'ailleurs en droit international beaucoup moins de procès entre États. Donc ça apparaît assez exceptionnel. Donc c'est probablement moins sujet à mise en scène cinématographique. Vous n'avez pas l'impression, François Dubuisson, qu'il y a peut-être là encore, probablement lié à la jeunesse dont vous venez de parler, la jeunesse du droit international, aussi peut-être un manque ou d'imagination, ou simplement d'habitude culturelle de la part des scénaristes vis-à-vis de ce droit spécifique? Oui, sans doute. Donc, ça doit sans doute être effectivement une explication, parce que il y a presque peut-être un cercle vicieux, c'est-à-dire que la plupart des personnes connaissent le droit à travers les films qu'ils voient. Et d'ailleurs, ça a souvent un miroir déformant, puisque par exemple en Europe, on est plus familier avec le droit américain et les procédures américaines, objection vaut honneur par exemple, ce qui n'existe pas du tout en droit français, belge ou suisse. Et donc forcément ça va ensuite influencer les scénaristes qui vont y trouver peut-être une bonne idée de scénario futur, ou bien simplement s'inscrire dans un genre bien balisé qui est le film de procès particulier, qui a particulièrement cours à Hollywood. Alors que, évidemment, en droit international, on n'a pas tellement ces modèles. C'est plutôt, alors, à nouveau, les procès pénaux internationaux. Là, ça donne lieu à un certain nombre de fictions sur les procès de Nuremberg, de Tokyo, le tribunal pénal international pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie, par exemple. Là, on a des films qui prennent ces tribunaux comme théâtre de scénario. Mais par contre, la Cour internationale de justice, évidemment, ça apparaît moins souvent. Alors, on la voit quand même dans un film ou l'autre où elle y est parfois, on y est parfois fait référence. Mais on n'a pas un film de procès devant la Cour internationale de justice, par exemple. Alors qu'évidemment, ça pourrait être certainement extrêmement intéressant et plus original à faire qu'un énième film à procès devant une cour américaine. Le vote définitif des Nations Unies sur la question du partage de la Palestine en un État juif indépendant et un État arabe indépendant s'établit ainsi. 33 pour et 13 contre. 10 abstentions. Qu'est-ce que tu as, Atta? Tu as gagné ta liberté, j'ai perdu la mienne. Nous n'avons jamais été libres. L'un et l'autre, on a toujours vécu sous la botte anglaise. Nous sommes maintenant citoyens égaux de l'État libre d'Israël. La résolution nous le garantit. Les garanties sont une chose, et les réalités une autre. Maintenant que mes terres et mon village font partie d'Israël... Maintenant que tu les gardes, personne ne te les prendra. Je suis la minorité. Nous sommes tous de vieux amis. Et la minorité, la majorité, ça ne fait aucune différence, nous l'avons démontré. Si ça ne fait aucune différence, pourquoi as-tu tant lutté pour en arriver là? Parce que des centaines de milliers d'entre nous n'avaient pas d'autre endroit où aller. Et où ira notre peuple maintenant? Mais pourquoi s'en irait-il ailleurs? Cette terre est aussi bien à vous qu'à nous. Ta, comprends donc, nous devons prouver au monde qu'on peut s'entendre, vous et nous. Ou bien les Anglais pourront de nouveau dire que nous ne pouvons nous gouverner nous-mêmes. François Dubuisson, vous l'écrivez, le conflit israélo-palestinien a inspiré une très abondante filmographie. Si vous deviez nous présenter ce que c'est que cette filmographie, qu'est-ce qu'elle recouvre, a-t-elle des axes prioritaires? Y a-t-il, de la même manière qu'il y a conflit, aussi conflit filmographique entre un certain cinéma israélien, un autre cinéma qui est palestinien? Y a-t-il des conflits internes entre palestiniens ou entre israéliens? Voilà, vous connaissez le paysage, à vous de nous raconter. Alors oui, donc ce qui est vrai, c'est qu'il y a un nombre très impressionnant de films ou de fictions de manière plus générale, hein, parce qu'il y a pas mal de séries télévisées qui abordent également cette thématique, parce que j'ai vu environ une centaine de films ou de séries télévisées pour les besoins de l'analyse de l'article. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que cette filmographie a suivi un petit peu l'évolution du conflit. Donc si on voit justement un film comme Exodus qui date de 1960, ça correspond à une première période... Pour mémoire avec Paul Newman. Voilà, avec Paul Newman, film d'Otto Preminger. Donc c'est un film qui s'inscrit dans une première période qu'on peut identifier dans d'un point de vue chronologique, qui va probablement jusqu'au milieu des années 80... qui est une filmographie qui est soit israélienne, soit américaine, et qui reprend plutôt le récit traditionnel israélien des conditions de création de l'État d'Israël, ou bien des rapports avec les Palestiniens, avec l'apparition à partir du milieu des années 70. À nouveau, un film d'Otto Preminger, Rosebud, 1975, le film de terroriste palestinien qui va courir jusque la fin des années 80. Donc là, on a toute une filmographie à ce moment-là qui épouse très largement le point de vue israélien, soit pour établir les conditions de la création de l'État d'Israël sans mentionner les effets que ça a eu pour la population palestinienne, ou bien ensuite aborder le conflit sous l'angle simplement du terrorisme palestinien. Pardonnez-moi de vous interrompre et peut-être de vous proposer une correction. Est-ce le point de vue israélien auquel il faudrait rajouter de l'époque ? Oui, bien sûr. Donc, c'est le courant qu'on a appelé le courant national héroïque, c'est-à-dire un courant qui reprend le récit sioniste tout à fait traditionnel, mais qui effectivement, à partir du début des années 80, même à fin des années 70, on va voir apparaître au sein de la société israélienne et donc dans la filmographie israélienne un courant critique, hein, ce qu'on a appelé la nouvelle sensibilité à l'instar de la nouvelle vague française, un nouveau courant cinéma qui va poser des nouvelles questions sur la société israélienne beaucoup plus critique, et notamment la question de la guerre, de l'utilisation de la force dans les relations avec les États voisins ou vis-à-vis de la population palestinienne, avec une mise en cause de la guerre du Liban, par exemple, au début des années 80, ou bien, même déjà avant cela, un film extrêmement étonnant qui s'appelle Kirbet Kizeh de Chaim Loewy, qui est un film qui est fait fin des années 70. Hein. C'est ça, 1978. בעזרת השם נמשיך אם אנחנו רוצים לגמור פעם משהו, יאללה, אימשי. אני מסווי שישי, אני דולת זרר, אללה חלילה, אימא, אימשי, אללה, אני מסווי שישי. יאללה, גבי. יאללה. Kirbet Kizeh de Chaim Loewy, qui doit passer à la télévision et qui est censuré dans un premier temps parce que le film montre en réalité la réalité de l'expulsion d'un village palestinien par les forces israéliennes dans la guerre de 1948. Sous une forme documentaire ou on est vraiment dans la fiction? C'est une fiction. C'est d'ailleurs l'adaptation d'un roman qui était sorti peu après la guerre de 1948. Donc c'est sous une forme fictionnel mais extrêmement brut, c'est un style documentaire mais les faits sont inventés dans le sens où il ne s'agit pas d'un village réel mais tout est reconstitué mais sous une forme extrêmement brute, et ce qui va évidemment frapper forcément les spectateurs israéliens. Finalement le film sera quand même reprogrammé et c'est un peu le point de départ, hein, d'un courant beaucoup plus critique au sein du cinéma israélien qui va accompagner de manière plus générale une interrogation au sein de la société israélienne sur les rapports avec les voisins arabes et puis la population palestinienne. On va avoir ce courant qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui et qui va accompagner finalement les évolutions du conflit. François Dubuisson, vous évoquez un téléfilm qui a connu les fourches caudines de la censure avant d'être réhabilité et d'être convié aux yeux du téléspectateur. Quand on parle film, évidemment, il y a deux types de catégories, le film télé ou le film cinéma. Le film cinéma, la plupart du temps, ça sous-entend une certaine forme d'indépendance non seulement financière, économique, mais également éditoriale, la télévision étant plus muselée, surtout la télévision d'une certaine époque, qui est encore plus télévision d'État qu'elle ne pourrait l'être aujourd'hui. Est-ce que du coup ça dessine deux types d'écriture, deux types de récits entre le cinéma et la télévision assez sensiblement différents? Alors, j'ai pas eu beaucoup accès aux films de télévision israéliens, parce que là, il y a un problème d'accessibilité, oui. Simplement. Peu exporté. Voilà. Et donc, par contre, on va avoir un système de financement du cinéma israélien qui va favoriser l'émergence, justement, d'un cinéma assez indépendant, ce qu'on qualifierait de cinéma d'auteur. Parfois au détriment même du cinéma populaire, en tout cas c'est une critique qui lui a été faite même actuellement par l'actuelle ministre de la Culture, Miri Regev, qui veut totalement changer le mode de financement parce qu'elle considère que des films trop critiques ont été produits avec l'argent des contribuables israéliens. Donc ça va effectivement faire émerger tout un cinéma critique très reconnu d'ailleurs sur le plan international avec des réalisateurs comme Amos Gitai qui a à la fois fait du documentaire et de la fiction et donc qui vont effectivement interroger la société israélienne. Mais ce que l'on voit dans ce type de cinéma, c'est que ça reste quand même très centré sur les effets du conflit sur la société israélienne ou sur les soldats israéliens, un peu à l'instar du cinéma américain par rapport à la guerre du Vietnam. Ça montre évidemment aussi la difficulté de se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire que si un cinéaste israélien se mettait à la place du Palestinien, ça pourrait susciter des problèmes. Alors certains réalisateurs comme Eran Riklis ont réussi à avoir un certain équilibre entre les deux points de vue, c'est-à-dire qu'il y a pas mal quand même intégré des personnages palestiniens en utilisant des acteurs israéliens mais d'origine palestinienne dans pas mal de ses films. Donc lui, c'est probablement le réalisateur qui confronte les deux points de vue à l'intérieur même de ses films, tandis que d'autres restent très forts du point de vue du regard de la société israélienne sur le conflit. لا نايمة هي ها؟ لما بتفيق بتيجي لعندكم. نايمة نايمة مبسوطة هي. طب بس هذا غني لا لا لا لا هي توف روح روح. لا لا روح. أطلعنا على الحصان بسلام. طار العرس خلاص؟ العرس بعده بول، بدنا نزف العريس والعروس وبعدها تبدأ السهرة، وبعد السهرة العشاء الكبير. بنتك دايما مع الشباب. تسمح. François Dubuisson, vous nous avez indiqué que la filmographie concernant le conflit israélo-palestinien est abondante. On va aborder maintenant la question sur le plan de la production palestinienne. Qu'en est-il ? À partir de quand voit-on un cinéma palestinien émerger ? On peut imaginer que pour de strictes questions économiques, ça va pas aller de soi tout de suite. Ça démarre à peu près quand et qu'est-ce que ça présente comme objet ? Alors on a dans un premier temps plutôt un cinéma de propagande qui est financé par l'OLP, et donc c'est plutôt du documentaire militant. Et on a véritablement l'émergence d'un cinéma de fiction avec précisément le film de Michel Cléfi, Nos Sangs Galiléens, en 1987. Donc c'est vraiment le point de départ du cinéma palestinien. Donc très tardif. C'est assez tardif puisque c'est lié à l'évolution du conflit. Ça fait 20 ans d'occupation en 1987. Et ce qu'on note d'ailleurs, c'est que une bonne partie des cinéastes palestiniens sont d'ailleurs d'origine israélienne, c'est-à-dire qu'ils viennent de territoires qui ont été intégrés dans l'État israélien. Michel Cléfi vient de Nazareth. Elia Souleiman, l'autre grand cinéaste palestinien, vient également de Nazareth. Hania Abou Assad vient, je pense, lui, de Jaffa. Donc, on a beaucoup de Palestiniens qui sont plutôt des Palestiniens exilés. Et donc, il y a très peu de Palestiniens de l'intérieur même des territoires qui sont dans des conditions qui leur permettent de faire du cinéma. Donc, généralement, c'est plutôt des coproductions de cinéastes palestiniens qui vivent à l'extérieur de la Palestine. François Dubuisson, on a l'impression que la filmographie importante qui tourne autour du conflit israélo-palestinien serait plutôt à cataloguer dans la catégorie des films à concours, ceux qui vont à peu près emporter tous les concours où la bonne foi humanitaire des réalisateurs ou des scénaristes est représentée. Est-ce qu'il existerait un genre que je qualifierais de mauvais goût, qui irait plutôt à l'inverse du sens du poil, qu'on ne verrait évidemment pas a priori dans un festival des droits humains? Est-ce que ça existe soit d'un côté, soit de l'autre? Ou bien est-ce que ce genre de film, à votre connaissance, n'apparaît pas et pas produit ou plutôt absent? Alors c'est vrai que la plupart des films qui abordent très directement le conflit sont plutôt du style cinéma d'auteur, qu'on se soit du côté israélien ou du côté palestinien. C'est souvent plutôt d'ailleurs un cinéma proche de la réalité et proche des gens, c'est-à-dire que c'est souvent sous l'angle de la chronique. C'est rarement, on a un peu abandonné les grandes fresques à la Exodus, on les retrouve plus beaucoup. C'est plutôt basé sur des chroniques individuelles. Néanmoins, parfois, le conflit surgit dans des types de films où on s'y attend pas tellement. On a des films de zombies, par exemple. Monsieur le secrétaire adjoint dit que vous étiez son meilleur enquêteur aux Nations Unies. Aidez le professeur Fassbach à trouver ce dont il a besoin. Je peux rien pour vous. Je laisserai pas ma famille. Regardez autour de vous, monsieur Lane. Chacune de ces personnes est ici parce qu'elle sert un but. Il n'y a pas de place pour du personnel non essentiel. Mère Nature est une tueuse en série. Il n'y en a pas de meilleure, ni de plus créative. Mais comme tous les tueurs en série, elle ne peut résister à la tentation de se faire prendre. Vous voulez aider votre famille? Réfléchissons aux moyens de mettre un terme à tout ça. À vous de choisir, monsieur Lane. Alors, qui est le zombie est-il caractérisé? Alors, on l'a dans le film World War Z, qui était produit par Brad Pitt, qui est sorti il y a quelques années. Et de manière un peu surprenante, toute une partie du film se déroule en Israël, où le film relate une invasion mondiale de zombies, et il se fait qu'Israël semble être l'État qui résiste le mieux à l'attaque des zombies, parce qu'ils ont précisément construit un mur. Donc ça renvoie évidemment au mur qui a effectivement été établi en Cisjordanie. Et donc Brad Pitt va enquêter sur place pour se demander et avoir des informations complémentaires. Donc on a toute une partie du film qui s'y passe avec des références assez explicites au conflit. On est au 23e degré. Non, même pas. C'est relativement, c'est pris de manière relativement sérieuse parce que le film n'est pas tellement parodique. Et suite à cela, d'ailleurs, Brad Pitt va terminer l'intrigue accompagné d'une ancienne soldate israélienne qu'il va emmener avec lui pour essayer de sauver le monde. On trouve aussi une référence dans le film de Sacha Baron Cohen, Bruno. Donc là, par contre, on est effectivement à rebours des festivals de cinéma puisque l'une des intrigues donc dans ce film, Sacha Baron Cohen joue le rôle d'un ancien égérie de la mode, mais qui est tombé en disgrâce. Et pour essayer de revenir au devant de l'actualité, il essaye toute une série de choses. Et parmi les choses, c'est, selon ses propres termes, essayer de retaper le Moyen-Orient. Et pour ce faire, donc, il organise une réunion entre Palestiniens et Israéliens. Il essaye, par diverses manœuvres, de résoudre le conflit, avec notamment ce dialogue assez savoureux où il s'adresse aux Palestiniens, où il lui dit « rendez les pyramides aux Israéliens » et où l'autre dit bah, « c'est en Égypte, c'est pas grave, où vous l'avez mis, rendez-les leurs ». Donc on voit que en réalité souvent sous forme de farce, on fait référence à ce conflit parce que ça apparaît dans un peu l'imaginaire collectif comme étant le conflit absolument insoluble et donc le conflit que personne ne peut résoudre. Et donc c'est pour ça qu'on le voit parfois abordé sous le ton de la comédie un peu sarcastique. Et dès qu'on parle de ce conflit, alors là c'est forcément la famille se déchire, c'est la dispute, un dîner familial tourne au pugilat parce que par définition c'est le conflit que personne n'arrive à résoudre. François Dubuisson, en termes d'évolution des scénarios aussi bien du côté cinéma que fiction, qu'est-ce qu'on peut dire? On a à peu près identifié la naissance ou le type de récit que l'on pouvait avoir, leur évolution, mais est-on d'une certaine manière dans un cinéma qui éditorialement stagne un peu, à l'instar d'ailleurs relativement également de la situation? Qu'est-ce qu'on peut dire dans la traduction par image? Oui, c'est vrai que dans les films qui sortent sur cette thématique, on peut pas dire qu'il y a un grand renouvellement dans les dernières années, par exemple. C'est vrai que depuis l'échec du processus d'Oslo, en particulier après l'échec des tentatives de négociation à Camp David et Tabac tout début des années 2000, on n'a pas un grand renouvellement de la production et on a des choses souvent relativement attendues. Lorsqu'on va voir un film, ça nous parle un peu toujours de la même chose. Du côté palestinien, c'est souvent ancré dans le quotidien, on montre le quotidien de l'occupation. Alors il y a certaines évolutions, ne fût-ce que sur le plan visuel, puisque avec le développement du système d'Oslo, on a eu le développement des checkpoints, on a eu ensuite la construction du mur, et ça se marque visuellement dans les films, c'est-à-dire que ce sont vraiment des scènes très récurrentes, toutes les scènes de checkpoint ou les scènes où on voit le mur, disons, un petit peu barrer l'horizon. Ça, c'est des éléments visuels relativement nouveaux, évidemment, par rapport à ce qu'on voyait dans les années 80 ou début des années 90. Mais sur le plan du fond, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de renouvellement. À mon sens, le cinéaste le plus original, c'est vraiment Ilya Suleiman qui arrive à transcender, en réalité, ce qu'est le conflit par un imaginaire, un style très très particulier, une manière aussi de connecter un destin personnel, le destin de sa famille de Nazareth et l'histoire plus générale du conflit. Mais pour le reste, le cinéma israélien d'ailleurs s'essouffle pas mal, on voit de moins en moins d'ailleurs évoquer le conflit israélo-palestinien dans le cinéma israélien parce que je crois qu'il y a une sorte de désabusement complet de la société, soit on s'en désintéresse, soit on se dit que ça ne sert plus à grand chose parce que ce qu'on constate, c'est qu'en dépit d'un certain nombre de films critiques israéliens, ben, ça n'a pas amené un changement fondamental, voire même il y a manifestement une régression au sein de la société israélienne lorsqu'on voit le type de gouvernement qui est en place depuis maintenant un certain nombre d'années. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Du droit international au cinéma, que vous avez co-dirigé en compagnie d'Olivier Corten, monsieur le co-directeur. Merci encore d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci, je vous remercie. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS, le journal La Liberté, et la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jean-Philippe Svalon. Avec les extraits des films Exodus, Kirbet Kizé et Neusson Galilée. Sur le même sujet, nous vous invitons à écouter un complément d'interview d'Anne Lagerval et François Dubuisson, disponible sur le site d'Histoire Vivante. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.